Et là, Abu Bakr, il fondit en larmes. Quand il a entendu ça, il fondit en larmes. Et puis Abu Saïd Khudri, radiallahu anhu, il a dit, qu'est-ce qui a poussé cet homme, ce vieillard, c'est-à-dire, parlant d'Abu Bakr, à pleurer? Allah, il a donné le choix à un de ses serviteurs, soit ici-bas, entre ici-bas ou le rencontrer, il a choisi de rencontrer Allah. Mais Abu Bakr, il sait que ça y est, la mort est imminente du prophète, il sait que c'est un signe de la mort du prophète. Et Abu Saïd Khudri, il a dit, Abu Bakr est le plus savant d'entre nous. Et le plus savant d'entre nous, radiallahu anhu. Et quand Abu Bakr il pleura, il a dit, nos pères, il a dit, nous te rachetons par nos pères et nos mères envoyés d'Allah. Il a compris que là, ça y est, la fin s'approche du prophète, radiallahu anhu. Et Abu Bakr, il dit, ne pleure pas, oh Abu Bakr, ne pleure pas. L'homme dont la compagnie et les biens me sont les plus salutaires, eh bien Abu Bakr. Témoignage de prophète avant sa mort. Il a dit, j'ai tout rendu, chaque compagnon, je lui ai rendu ce que je lui dois. Mais à Abu Bakr, seul Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera dans l'au-delà.